Yeah. Je mets du hip et puis du hop dans les oreilles, du poum chakarakapoum dans les tympans, du son qui surprend, du son qui réveille, du punk, du funk, du zouk, du son qui détend. Appuie sur play, y'a des codes aussitôt, bouge la tête comme le fait le poing sur un oscillo. Yo. De bas en haut, de haut en bas, et tu t'en bas. Les couilles tant que le son est là, tu t'emballes. Mais la leçon est là, tu m'emmales. Comment veux-tu pouvoir prêter la thune sans maille? Comment esquiver la loi, respirer la joie? Comment feinter, comment lutter, comment ça va à toi? D'ailleurs tu deviens quoi? Il me sort pas de mytho. Genre vendre de coca, séjour prolongé au comico. Car tu sais quoi, tu n'as que l'odeur du psycho. Donc baisse les bras et va plutôt laver tes chicots. Tu n'es qu'un ego, tu pensais me dominer. Va donc jouer au domino avec tes cheveux gominés. Tu n'es qu'un mino, chichi et moi gominé. Comme Bernino, elle joue bouffin dans zoo au dîner. J'ai pas terminé, juste ouvert le robinet. Je check le micro, je suis large pour te piner. Bande dessinée, je pèse les mots comme 13 les faux. Donc prépare-toi à halluciner. Tu fais ce dégo, non, c'est du ciné. Tu check le micro et la ferme avec ta dulcinée. Tu testes mes bros, non mec c'est faux. Je te pète les os. Prends le numéro perso du kiné. Je vais t'exterminer, te faire du mal, te ruiner. Te brancher aux 220 volts et tu vas t'illuminer. Pour dominer, faut saigner les flots. Se lécher les crocs, je fais l'été chaud. Moi je suis calciné. Thank you.

prestige. Tellement sale ton logo, appelle-moi Bill pour la voltige. Et tu peux me dire d'aller me faire voir, moi et mon ce que je dis. Mais tu peux pas m'empêcher de croire que les étoiles entendent ce que je dis. Savent ce que je dis depuis que j'ai l'âge de le dire. Le bien que ça fait, chaque balle verbale que je tire. Et je dégomme des tonnes et des tonnes, même si non je décolle. Des fois je décolle, mais ça m'étonne, même si je sais. Franchement, les uns les autres, je sais qu'on fait les fous. Est-ce que tu crois que ça vaut la peine de finir aux infos? Fou dans la fourche ou tant, à coup de 12 à cause du blues éveillé par le manque du bon vieux temps. Non, mais tu t'entends, ton vécu plan plan, pompé sur tangente à sa manière d'être. On déçu franchement, on n'est plus sanglant. On met plus de gants blancs pour servir ses maîtres. On fait plus semblant, on est missier. On débute grandement, je vais m'immiscer, je suis initié. Fondé du rendement, qui sait, et qui sait de l'affront et du changement dans ce plan. Mais glisser, mais c'est toujours les mêmes qui parlent. Les mêmes qui parlent, toujours les mêmes qui flattent pour mieux diviser. Tous les jours je mange des pâtes, je prends des claques. Tous les jours je sais qui squatte le journal télévisé. Et c'est toujours les mêmes, toujours les mêmes. Pour le coup j'aurais pu dire de foutre la merde, hein, mais c'est hors de question. Ils voudraient qu'on ferme même en hyperventilation. Bah moi je gueulerais quand même. Il faut que je fasse une pause. La ma lucidité est partielle. Même si quand je lâche une prose, c'est de l'amour que je parsème. Ma vie n'est pas toute rose. Elle traîne plutôt du côté pastel. Et pour mon rap, c'est du blues. Un peu comme Cusa et Kassel. Thank you. Trop nombreux à haïr, à aimer, à salir les pensées de nos aimants. On est trop nombreux à craindre, à fondre, à geindre alors qu'on n'a pas de quoi se plaindre. Et on n'est pas assez à se battre, à lutter, pas assez en vrac pour se faire duper, mais pas assez joyeux, pas assez à danser. Beaucoup trop nombreux du mauvais côté de la balance. Et le pire c'est qu'on s'en fout, avant que j'étouffe et fumer sur le bambou. Sinon je vais devenir ouf, vas-y ma gueule, donne le tilleul. Et puis j'aime bien l'idée de creuser ma tombe tout seul. Ouais c'est cruel, mais c'est réel. J'aurais préféré dire que je crois encore aux hirondelles. Mais on a beau lever les bras, crier ce qu'on veut, la réalité est là. On est beaucoup trop nombreux. On est beaucoup trop nombreux, ouais. Et mon stylo non plus suffit, bien que j'ai plus de 10 ans de plume. La pluie dans mes plumes, au texte ne chasse plus la brume. On est trop nombreux à haïr, à aimer, la misanthropie m'attire. Chaque jour j'ai peur de sombre et j'arme mon sourire. J'ai peur que ça soit léger, les mains n'ont donc à détruire. Et ça, ça fait flipper, mais y'a pas quoi me faire plein de pieds. Nous faire imposer la tête, ils seraient trop nombreux à avoir envie de faire la fête sur mon corps. On m'a dit que l'amour était mort, j'ai fini par y croire. Aujourd'hui je pleure sur son sort, car une fois sorti de smile et consort, tout comme les rats la nuit, certains jours les beaux et gris. Oh. Et y'a trop de types qui pensent qu'à côté de tu vaux rien. De beaux qui lancent des regards venus me couper un trou. Qui voudrait ma place, ta meuf, un palace, du fric neuf ou une tasse. Dans chaque teuf y'en a beaucoup trop qui croient pouvoir m'avoir. Mais ces connards se foirent, ils savent même pas que c'est moi qui tiens la barre. Allez barre toi, je me marre, tu fais la tronche. Tu coules dans la merde, faut croire, ben moi je fais la planche. Et la maîtrise, je l'ai, la méthode, je l'ai. Suffit que je crie, freeze, faut rester congelé. Le niveau, je l'ai, le cerveau, je l'ai, les MC sont des veaux, ne font que têter. Je l'ai, nourri de mon son comme une putain de vache. Je l'ai, produit du terroir, la qualité, je l'ai, nourri, je connais du talent. Tu connais les beaux bagages, celui du son qui détend, mais ce gardien de province, hein, je te promets, c'est trop bon. Pareil que le temps de prêcher, c'est comme piocher des bonbons. Quand il rappe, ça fait chanter des abeilles. Malgré les oiseaux, ça redonne des couleurs aux arc-en-ciel. J'ai entendu dire que c'était le chouchou de Bama, qui taille des menhirs, qui l'a même connu Oussama. Y'a peut-être du fond dans tout ça, ma foi. Mais je serais pas étonné d'apprendre qui connaît le Dalai Lama. Thank you. contrôlé. Crapin, compétition de charisme et la sagesse. Un sale bruit strident qui crisse mes dents et dresse mon épine. Dans ça, je ne rêve plus, je crève. C'est quoi ces faux gens, bus, mais trop chouette. La vie c'est urgent, laissez-moi tranquille, j'étais bien. Bahamas, je ne veux pas revenir, les pieds dans la mélasse, un contrôleur passe. Sans dire bonjour, on me fait face. Moi je le prends avec humour, ticket à boîtier. Non merci, j'en ai déjà un. Peut-être un autre jour, la réalité me colle à la peau comme une putain d'énigme. D'Edgar Allan Poe, je veux un son qui détend et un peu de repos. Un hamac, un sombrero, un pulco et du tempo. Psychoactive car besoin de serre, besoin de rêve. Quand chaque matin la vie m'achève, elle est une ellipse. Entre la naissance et la mort, une éclipse. Le nirvana, c'est quand tu t'endors. Bienvenue dans mon rêve, un studio dans les nuages où coule la sève des morceaux des plus grands sages. L'image, un kiff, plus fort que du Liban et t'arrive. C'est nif dans tes oreilles, commence à couler. Substantif, métaphore, rimes embrassées. Adjectif, vocabulaire de qualité. Le canapé t'appelle, tu commences déjà à partir. Trop tard si tu comptais pas rester dormir. Et pour l'instant c'est cool, y'a de la foule pour ceux qui aiment ça tourner dans les postes un peu de saoul. Les uns s'écroulent, les autres bamboulent et l'alcool coule. Jusqu'à ce que les cons aient des boules. Dring, dring, ça n'arrivera pas. Toi-même tu sais pourquoi. Tu l'as compris en voyant cette blonde. Tu es déjà dans l'autre monde. Celui du son qui déteint. Bienvenue dans le monde du son qui déteint.